couché sur le carton, les mains entre les jambes. Couché sur le carton, les mains entre les jambes. Le monde peut comprendre.